بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. طرب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى، أما بعد. وكنا في بخان لدعني. Et n'oubliez pas, hein, il reste 3 leçons avant qu'on fasse le contrôle. On avait dit. Donc hier, on a pu voir le diama. Ça va ? Ouais, Naam Ismu Ishara. On a pu voir, tu peux l'utiliser pour le proche et le lointain. Même pour le diama, qu'est-ce que tu utiliseras ? Si c'est proche ? Si c'est proche ? La. Oulaï, Naam. Oulaï, Naam. Lakin, pour le proche, c'est Haoula. Tu dois ramener le Ha. حرف التنبيه سابقت لنا نصف فضل بروكسيميتي تمام البعيد سي سي اولئك البعيد يا با لها on avait dit لها on avait dit à l'oral اولئك لا اولئك لا اولئك لا c'est une question اولئك اولئك parce que c'est quoi le اسم إشارة c'est اولا الكاف c'est للبعد والخطاب اولئك et on avait dit lorsque tu ramènes la notion de la distance tu peux pas ramener لها parce que là il y a pourquoi on ne ramène pas le ha? Parce qu'il y a tanakot. Comment tu ramènes le kaf qui affirme qui a une notion de d'éloignement et tu ramènes le ha qui a la notion de quoi? De proximité. C'est pas possible. Il ne peut pas être à la fois proche et loin. Tanakot. C'est pour ça que le ha disparaît lorsque le kaf il vient. Donc tu ne dis pas ha ou la ikar. Ça c'est une khata. Et on avait pu dire donc yani ismu ishara dans oula ikar. Wa ha oula c'est quoi? Oula ik. Et les deux s'utilisent pourquoi? Pour le féminin et le masculin. Oulaïka, c'est pourquoi le diable a de quoi de tilka et zalika. Tilka et zalika. Lorsque tu veux dire, tu dis tilka el mar'a. Quand tu veux l'éloignement, tu diras el haoula el nisa. Naam. Ou ka zalika pour al rijal. Tu dis haoula al rijal ou tu dis zalika. Ou plutôt, je me trompe, tu dis hada al rajul et tu dis haoula al rijal. Hadihi al mar'a. وتقول هؤلاء النساء وذلك لم نشوف ذلك الرجل في بعيد تجرى أولئك الرجال وتلك المرأة تجرى أولئك النساء تمام دونك faut faire attention parce que certains ils pensent que lorsque c'est pour le féminin pour le jama pour ceux qui sont féminins qui sont éloignés tu dis أولئك لا أولئك لا أولئك si jamais tu parles à qui à une femme تمام que des fois les gens ils se trompent par rapport à ça le kaf. Il pense que lorsque c'est une chose que tu démontres, qui est féminin, qui est loin, tu dois mettre une kasra sur le kaf là. Le kaf c'est pour le khitab. Si jamais la personne c'est féminin, tu diras oulaïka. Si jamais c'est des hommes, tu diras oulaïka. Si jamais c'est des le diam, tu dis oulaïkum. Donc le kaf c'est le khitab. On a vu katalika. Hun. Ça. Hun c'est le pluriel de. De hiya. Tamam. Hun c'est le pluriel de hiya. On avait dit kazalika c'est comme hum, c'est un damir munfasil et muttasil. La hun. Comme fil hatta je crois ah non comme la plan. Hun libasun la hun. Ah c'est avant-hier ça. Hun libasun la. Hein? Je dis bien. Tamam. On a vu quoi encore? On fait que voilà. Regardez, il y avait les kalimat jadida, on va lire vite fait les kalimat jadida et on va faire quelques exercices à l'oral et ensuite on va entrer dans le dars numéro 14. Donc les kalimat jadida, il dit da'if. Da'if, c'est ce qui est faible. Tamam. Wa da'ifa, c'est ce qui est faible, la femme. Et les deux, tamam. Si tu veux dire jam, pour des femmes qui sont faibles et des hommes qui sont faibles, tu diras quoi? Da'af. Da'af, tu peux dire da'afa. Comme vous allez le voir, un jam'a, Inch'Allah, dans l'aura, il a plusieurs. Siya. Du'afa, da'if. Les deux. En fait, c'est juste, il y a une ma'ana en plus. Comme ils disent les Arabes, tamam. Ziyadatul al-bina, yadoul ala ziyadatu fil ma'ana. Tamam. Si j'aime le jam'a, on a du'af. Tamam. Du'af. Dad, Aïn, Alif, le Fa. Quatre. Du'afa, Del. Et Dad, Du'a, Aïn, Fa, Alif, Hamza. Hamza. Il y a un ziyad dans le ma'na. Miftah, Mafatih. Tamam. Al-Um, c'est quoi le jam'a? Al-Um, Ummahat. Tamam. Al-Qawi, Aqwiya. Tout ça, c'est là. Qawiyun, Aqwiya. C'est page 81. Ab, c'est le père. Son jam'a, c'est quoi? Aba, aba, aba, ukum. Aba, ukum, wa abana ukum, la tadaruna ayyukum, akabarakum, naf'a. Alimun, ulama. Tu peux aussi le mettre en jam'a? Salim. Alimuna. إن في ذلك لآيات للعالمين لما قال إن في ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ثم قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك يعني في هذه الأشياء لآيات للعالمين أي عالمون لأن on va le voir le ya ici il est mansoub enfin il est ça harf jar il est majrour et lorsqu'il est majrour جمع مذكر سالم c'est avec le ya comme on a pu le voir lorsqu'il est marfou c'est avec le waw المسلمون voilà نعم. Et quand il va être mansoub ou quand il va être majrour, ça sera avec le ya. Ça c'est par rapport au vocabulaire. Il y avait wazir, muzara, tamam. Ça c'est. Tamam. Naam. Tamam. Faites l'exercice numéro 3. Akwiya. Il dit Ashir il a l'asma latia dans le jim. Il dit jim. Il y a trois leçons dans le 13. Il dit Ashir il a l'asma, c'est l'exercice numéro 2. Ashir. Il dit Ashir il a l'asma i. Al-atiyati bismi isharatin il ba'id zalika tilka ou ulaika. Et donc il dit il montre, tu l'as démontré, ta main. En fonction des noms qui ont été évoqués là. Tamam, avec le asma ishara lil ba'id. Soit zalika, soit tilka, ou soit ulaika. Tamam, vas-y, talib, si jamais tu veux dire, il est loin. Naam. Yarhamukallah, tu dis zalika talibun. Pourquoi? Parce que mufrad. Et il est masculin. Donc zalika. At-tujjar, ou plutôt, tujjar, tu diras zalika tujjar. Non, c'est quoi le masculin de Tujjar? Pas de Tamarouta. C'est masculin. Il est où le Tamarouta? Non, il n'y en a pas, je te dis. C'est quoi le. C'est quoi Tajir? C'est le commerçant. Et Tujjar? Tujjar, c'est pluriel. Donc tu diras? Olaïka, Tujjar. Tujjar. Mudarrisat. Mudarrisat. أولئك مدرسات. Tu diras pas, c'est le cas pourquoi? Parce que là c'est pluriel. طبيبة جديدة. Comment tu diras? طبيبة جديدة. تلك طبيبة جديدة. أمهات الطالبات. أمهات الطالبات. أولئك أمهات الطالبات. نعم أولئك أمهات الطالبات. أولئك مبتدا أمهات الطالبات خبر وأمهات مضاف والطالبات مضاف إليه. On va faire des arabes comme ça, c'est bien aussi. Aba'ut tullabi. Ulaika aba'ut tullabi. Pourquoi t'as pas choisi laïka? Parce que c'est du ba'id et c'est du pluriel. C'est du pluriel, n'am. Ulaika, kadalika, mubtada. Wa aba'ut tullab, khabar. Aba, mudaf, wa tullab, mudafun ilayh. Fallahun. Ha'ula fallahun. Ha'ula. Ha'ula fallahun. On veut le ba'id. Latadin qarib. C'est faux, c'est pas faux, mais on l'a. Le but de la leçon, c'est. On dit l'al-falah le ba'id. Donc si le ba'id, tu dois dire. Oulaika fallahun. Non, c'est. Non, à point, c'est singulier ça. Fallah. Fallahuna. Fallahuna, c'est le pluriel. À point. Donc fallahuna. Ah, dhalika fallahun. Ou fallah, khabar. Muhammadin. Ummu Muhammadin. Pourquoi t'as pas dit dalika Muhammad là? Lakin al mubtada c'est tilka ou al khabar c'est um. C'est mudaf. Mudaf. Mais il y a khabar aussi. Il y a khabar. En fait là t'as utilisé dalika ou tilka. Pourquoi? Parce que c'est khabar. C'est le khabar. Donc le khabar, il s'accorde en genre un nombre avec le mubtada. Tilka, Muhammadin. Tilka, mubtada, Muhammadin, khabar, mubtada, mudaf, Muhammad, mudaf, unile. Eh ouais. Sadiqi. Dalika sadiqi. ذلك مبتدا وصديقي خبر ذلك لان صديقي مفرد ومذكر تمام بس صديق اي صديقي منامي اخواتي اولئك اخواتي دونك اولئك مبتدا اخواتي اخواتي اخواتي c'est pluriel de اخت أخواتي أخواتي كلهم ومبتدأ أخوات أخوات مضاف مضاف مضاف إليه واللي مضاف إليه إخوتي أولئك إخوتي نعم أولئك مبتدأ إخوتي خبر إخوة إخوة مضاف مضاف إليه لجهاتي جمع الكلمات الآتية donne le جمع de, le pluriel des mots suivants c'est quoi son pluriel أمهات أب c'est quoi son pluriel أبا même bien il faut prolonger le premier أبا il y a deux mètres إمرأت c'est quoi son pluriel C'est quoi la surat dans, après le bac après Al-Imran Al-Nisa. Al-Nisa. Al-Mar'a, son jam, c'est quoi Al-Nisa. Amma. C'est pas Mar'a. Non. Al-Mar'a, c'est la femme. Mar'atun, c'est une femme. Al-Mar'atun, c'est une femme. Amma. L'Amma, c'est qui Ya'amma. La tante paternelle. Tu diras quoi son pluriel عمات جمع مذكر أو جمع مؤنث سالم ضعيف ضعفاء وتبجيع كذلك ضعاف تمام وزير وزراء تمام اسم اسماء تمام ça donc ça c'était le درس numéro 13 تمام donc ça compte c'était sur le pluriel et غائب هن وهم et كذلك الأسماء إشارة أولئك هؤلاء Et Kadalika, comment tu conjugues Zahabana, elles sont parties, ou Zahabou, ils sont partis. C'est bon ? Là, Inch'Allah, on va entrer dans le Dars 14. Qala al-Mu'allif, al-Darsu al-Rabi'a Achar. Al-Fityatu, c'est quoi al-Fitya ? L'adolescent. Les adolescents. Qala al-Fityatu, assalamu alaykum. Donc là, on a pu voir le jam' quand c'est Ra'ib, là maintenant, le jam' al-Mukhatab. lorsque tu parles à plusieurs personnes. Donc tu diras comme. S'il est tout seul, assalamu alayk. Assalamu alayhi. قال الفتية السلام عليكم قال حامد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحد الفتية un des فتية des adolescents كيف حالك يا des adolescents كيف حالك يا عمي comment vas-tu يا عمي mon oncle paternel حامد أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم يعني il a dit je veux bien c'est pas la logique son compte. Ouais. C'est ses neveux, mais il répond tout. Non, non, mais. C'est vrai qu'en arabe, on dit ami et même à quelqu'un qu'on ne connaît pas par respect. Peut-être c'est pour ça. Là, voilà, là, je pense pas là. Anabikhir, alhamdulillah, qui est fahalukum, manantum. Je ne connais pas ses oncles, c'est pas grave. C'est neveu. Je ne connais pas ses neveux. Lakin. Ana, bikhir, alhamdulillah. Donc je veux bien. Et la longe appartient à Allah Azawajal. Qui est fahalukum, comment allez-vous? Manantum, qui êtes-vous? Donc il a dit antum. Quand tu veux dire, مثلا, ça c'est pour mukhatab, ils sont plusieurs, tu diras antum. Man antum. Si jamais j'ai arrêté ra'ib, man hum. Tamam. Ahaduhum, yani, parmi les fitiyah. Nahnu abna doktori Moussa. On est les neveux, ou plutôt les fils, les enfants du docteur Moussa. Du docteur Moussa. Qala hamidun ahlan wa sahlan wa marhaba. Bienvenue, c'est une formule qui est utilisée pour souhaiter la bienvenue. Ahlan wa sahlan. Wa marhaba. Abukum sadiqi, votre père est mon ami intime. Qala ayna ammukum al-sheikh Isa. Et où est votre oncle, ta mère paternelle, Sheikh Moussa. Isa. Ahaduhum huwa maridun. Wal-an fi al-mustashfa. Il est malade, il est à présent à l'hôpital. Shafahu Allah, qu'Allah le guérisse. Man hadhi at-tiflati allati, man hadhi at-tiflatu allati ma'aka, ma'akum. Qui est cette adolescente, ou plutôt cet enfant, ce petit enfant, c'est une fille, qui est avec vous. Ahaduhum hiya ukhtuna, c'est notre sœur. Donc, kadhalika là, là c'est pour mukhatab, ukhtana, ou plutôt le discours là. Ukhtuna, hiya ukhtuna, n'am. Ça c'est. Qala hamid masmuha, comment s'appelle? Qala ahaduhum ismuha, Leila, elle s'appelle Leila. Hamidun. قال اسمها ليلى اين بيتكم الجديد و votre nouvelle maison قال بيتنا الجديد قريب من المطار notre nouvelle maison est proche de l'aéroport انتم في المدرسه الثانويه est-ce que vous êtes donc au collège لا نحن بالجامعه on est au lycée à l'université انا في كليه الهندسه je suis dans la faculté d'ingénierie ومحمود في كلية الطب dans la faculté de médecine وإبراهيم في كلية الشريعة dans la faculté de la sharia يعني la législation musulmane comme on dit ويوسف في كلية التجارة dans la faculté de commerce قال حامد من ذلك الفتى الذي في سيارتكم qui est cet adolescent qui est dans votre voiture قال محمود هو زميلي c'est mon camarade de classe قال حامد من أين هو D'où vient-il? D'où provient-il? قال محمود هو من إنكليترا. Mais من شدة chaque fois. إنكليترا. L'Angleterre. إنكليترا. إنكليترا. Britannia. Ils utilisent même plus ce truc-là. إنكليترا. Pour dire l'Angleterre. Britannia. Dès que tu dis Fulan, il dit quoi? Tu dis Fulan, el Britannia. Tu dis pas Fulan, el Inkiliterra. En plus, je crois que tu dis l'anglais, c'est une langue. L'Angleterre et tout ça, il dit c'est, tu dis l'Angleterre le tout c'est ce qu'on appelle le clan. L'Irlande et tout ça, ça c'est la Grande-Bretagne. Ça c'est la Bretagne. L'Angleterre c'est la capitale, c'est un parmi ces trois là, Scotland et tout ça. Huwa min Inkiliterra. Hamid masmuhu, comment s'appelle-t-il? Qal ismuhu William. قال حامد أمسلم هو؟ Est-ce que c'est un مسلم؟ قال محمود لا هو نصراني أبوه أستاذي هذا ما يصلح تمام اسمه الدكتور إدوارد إدواردو إدوار إدواردو il a dit non c'est un chrétien son père c'est mon professeur تمام donc le professeur qui est chrétien Tu vois, à la fin, tu peux vite faire nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qal ismuhu ad-doktor Eduardo. Donc ça, c'est des trucs gagnés Normalement, tu vois, la jamira, parce que c'est les textes qu'ils ont fait eux-mêmes, tu vois, ça c'est les textes qu'il faut éviter, tu vois. Il faut éviter, tu vois. Parce que même si jamais, yani, c'est qu'un texte, tu vois, il y a une petite da'wah dedans, tu vois. La personne peut croire que, ah, parce que ton prof, ça peut être un nasrani, tu vois, un chrétien, tu vois. Non, mais il y a cela, tu vois. C'est l'université islamique. Même si jamais, regarde, après, il dit, yahdihumullah ila l'islam. Qu'Allah les guide vers l'islam. Lakin, kadalika anta. Parce que ce qui a écrit le texte, parce que ça, c'est pas un meyaslah. Tu dis, mathalan, abouhu, mathalan, yani, c'est le. Je fais du commerce avec lui, hatta, tu vois, ils disent, tu peux faire du commerce avec les kuffars, tu vois, mais ils disent, yani, prends du il faut faire attention, si jamais vraiment t'es tout le temps avec lui, ah, mathalan, c'est juste un tajir, tu vois. Que tu viens, je veux dire, c'est un commerçant d'Indokan qui a acheté un truc, bon, c'est ah, mais tu fais tout le temps du commerce avec lui, t'as une société, ils disent, hatta là, ça va être les limites, c'est-à-dire que la personne doit se réserver, connaître les choubouhat de ce qu'on a, tu vois, et éviter, tu vois, le barda, la hada ou le barda d'être qa'im à faire qu'albit, tu vois, donc jamais tu fais du commerce. Donc ça, ce qu'on a là, il y a des bâtils, mais il y a juste, qui m'a ce truc là. Ouais. قال يهديهم الله إلى الإسلام حامد أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم êtes-vous parti à l'hôpital pour visiter votre oncle paternel اليوم يعني aujourd'hui تمام donc tu dis lorsque tu dis اليوم c'est quoi aujourd'hui et lorsque tu dis اليوم c'est un jour parmi les jours تمام lorsque tu dis اليوم بالضمة c'est un jour le jour le jour يعني le dit de la nuit le jour أما si jamais tu dis اليوم يعني le jour dans lequel tu es en train. اليوم أكملت لكم. يعني à ce jour-là. تمام؟ partir d'aujourd'hui خلاص. واليوم أي ضد الليل. C'était quoi un jour par un jour parmi les jours اليوم. اليوم. اليوم. اليوم. لكن avec une là c'est avec une fatha l'autre avec quoi une dhamma. اليوم aujourd'hui. اليوم le jour. C'est la dette de la nuit. قال يوسف نعم ذهبنا نعم nous sommes partis visiter notre père paternel notre oncle paternel et l'akhiré. Donc là le cours ou plutôt le but de cette leçon là c'est de connaître الجمع للمخاطب والمتكلم le بدل. Ouais, on va le voir. Ouais, parce que là tu es obligé parce qu'il dit à docteur Moussa اسمه c'est quoi qu'il avait dit. Aina, Cheikhoukoum, je ne sais plus quoi. Tu aurais pu dire Aina, Amoukoum, ça Yakfi. Lakin, Cheikh Isa, c'est une ziyada dans le bayan. Tu vois c'est une ziyada dans le bayan. Même Hatta, il y a un khilaf. Il a dit, tu n'appelles pas ça, Yanni, justement, tu n'appelles pas ça Bedel, lakin, tu appelles ça Atf ou Bayan. On va le voir. Pourquoi parce qu'on va le voir, Yanni, celui qui est suivi. On va le voir, celui qui est suivi. C'est pour ça que c'est important de connaître, Yanni, les étapes dans le ma'rifa, dans les mots qui sont définis. Lequel qui est le plus défini? On avait dit, Damir est le plus défini, ensuite, le Ismu Ishara, ensuite c'est Ismu Mosul, ensuite c'est les prénoms, on avait mis un tartib. Et bien ce tartib-là, Tastafid Fiyesh, Atf al-Bayan. Mathalan, Hona, il dit quoi? Il dit, Aina Ammukum, Ad-Doktor, c'est quoi? Aina Ammukum, Doktor Moussa, Ammukum, Al-An, Mudaf, Mudafun Li. تمام؟ أو نبدي المضاف لسكيله لسكيله بارك الله فيكم إلى أنكسي أن شو اسمه معرفة إلى أوسي معرفة لا إلى إلى أنكسا كوا الضمير الضمير أين عمكم عمكم الكاف هنا الكم c'est quoi c'est ضمير et ضمير c'est le plus haut au niveau des معرفة c'est la chose qui est le plus connue تمام الضمير تمام si jamais maintenant on regarde après أين عمكم الدكتور تمام الدكتور عيسى الدكتور عيسى الدكتور سي كوا لا اللي معرف ب ال معرف ب ال سي celui qui est le plus bas تمام si jamais ça aurait été l'inverse مثلا le celui qui vient après عمكم il aurait été plus que comment s'appelle défini que عمكم on aurait dit ça c'est عطف البيان parce qu'ils disent le عطف البيان c'est celui qui est quoi il est beaucoup plus défini que la chose qui le précédait si jamais il est moins défini tu appelles ça quoi un بدل comme c'est le cas ici et ils disent il y a pas de farq qu'il soit plus défini ou pas, on appelle ça un bedel. Mathalan, si je te dis, il y en a Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab. Si je m'arrête ici, Abu Hafs, c'est ma'rouf. Abu Hafs. Mais le fait que j'ai ramené Omar ibn Khattab, c'est qu'afin que ton cerveau ne parte pas sur un Abu Hafs, un autre. Abu Hafs, Omar ibn Khattab, c'est pour mettre une ziyada dans le bayan. Pour, comment ça s'appelle? Abu Khattab, là, maintenant, et là, ils disent quoi là? Ils disent Omar ibn Khattab, ils appellent ça Atf Bayan. Non, c'est pas un art, parce qu'on va le voir. C'est quoi la différence entre un art et Atf Bayan? Un art, si jamais tu prends sa racine, tu peux le conjuguer. مثلاً السيارة الجديدة تمام هذه ولدكم سأفعل فراز كونتلات هذه السيارة الجديدة تمام هذه السيارة الجديدة جميلة cette nouvelle voiture est belle تمام le nard il est où جديدة صح جديدة si tu prends sa racine جيم دل دل c'est جدة تمام وجدّة tu peux le conjuguer جدّة مثلا tu peux le mettre en جدّة جدّة يجدّد مجدّد تمام المجدّد celui qui le comment ça s'appelle ça là le réformateur je sais pas comment تمام celui-là tu peux le conjuguer si tu prends sa racine tu peux conjuguer et faire beaucoup de choses تمام أما عمر يعمر ça n'existe pas tu vois معمر ça n'existe pas tu peux pas conjuguer ils disent la chose que tu peux pas qui n'a pas de qui a pas de dérivé, qui n'est pas conjugué, tu peux pas appeler ça un art. Le nard c'est quoi? C'est une chose qui vient apporter comment ça s'appelle un éclaircissement et qui peut se conjuguer, qui a des dérivés. Amma al badal wal atf, c'est une chose qui n'a pas de dérivé. N'est pas mebni mais il n'a pas de dérivé. Comme مثلا al-qalam. Al-qalam c'est un mot qui n'a pas de dérivé. Tu peux pas dire yaklimu al-maqlum, ça n'existe pas. C'est un truc qui n'a pas de dérivé. Non, si jamais tu vas le ramener dans un. Tu vas dire Hadal Qalam Maksurun. Le fait que je dis Hadal Qalamu Maksur. Hadal Qalamu Maksurun. Je peux l'enlever ça, ça Hadal Maksur. Lakin, si jamais je te dis ça, Hadal Maksur. Tu vas savoir, c'est suffisant comme ça. Ça mais le fait que je ramène le qalam, c'est une ziyada dans le bayan. C'est afin que de rajouter, comment ça s'appelle, un éclaircissement sur la chose que tu es en train de montrer. Si jamais je te demande, c'est quoi les arabes de ça? Tu vois, tu peux pas me dire c'est un ni'at. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de dérivé. Qalamu, yaklimu, ça n'existe pas. Yaklumu, yaklamu, ça n'existe pas. Donc ça s'appelle quoi? Badal. On va le voir à la kulahal, s'il y a le temps. Regardez, il y a ramené parmi les choses un tome. Donc on va voir aujourd'hui c'est quoi? Al-Jam'a. Al-Jam'a al-Mukhatabin. Wal-Mutakallimin. Le pluriel pour le discours, qui va être utilisé pour le discours. Et pour quoi? L'allocution. Donc ça c'est le but de la leçon, de connaître à la base. Donc là il a ramené quoi? Un tome. Antum. Antum, c'est quoi? Antum. Donc c'est un damir. Damir. Damir un mon facile. Damir un mon facile. Lil. Moukha. Tabina. Damir un mon facile et moukha tabina. Donc le jam qui est utilisé pour quoi? Pour le discours. Damir, c'est un damir, un pronom personnel qui est utilisé pour le pluriel au discours. Pour le pluriel au discours, je ne sais pas comment on dit en français. Il muhatabin. Tu parles à plusieurs personnes. Donc, antum, là tu es en train de parler. J'ai dit il muhatabin. Lorsque je dis il muhatabin, c'est quoi? C'est masculin et pluriel. Il muhatabin. Muhatabin. Donc, antum, c'est l'équivalent de vous en français. Ouais. Vous. Quand tu dis antum, antum min al-Chine, vous êtes de Chine. Nahnu, c'est nous. Damir munfasil et mukhatabin. Ba'anahu, antum, comment ça s'appelle? Vous. Et ça, c'est munfasil, c'est-à-dire que je ne peux pas l'accrocher. يرحمك الله. شوي peut-être que مبتدا انتم انتم il a utilisé quoi aussi انتم il a dit نحن pas نحن non il a utilisé كم السلام عليكم enfin بن تفصيل السلام عليكم طلع سلام شو دمير متصل سلام شو صف كسي متصل للمخاطب مخاطب سنجر سي تخن طالي هذا زم دي زم سلام شو سلام شو كل le premier سلام شو كل le premier sauf que quoi celui-là il est متصل et l'autre il est منفصل un tu peux l'attacher l'autre tu peux pas l'attacher L'autre est détaché, l'autre est attaché. Comme on a pu le voir, Assalamu alaykum. Alaykum. Que le hal alaykum. Le kaf, on va le voir. Il y a un khilaf entre les ulama de Nahou. Il dit c'est quoi le damir? Est-ce que c'est l'ensemble? Ou bien c'est ça? Bas. Ikhtalafou. La kadarika. Il dit c'est quoi le jam'a fi? C'est quoi le damir? Est-ce que c'est le kef ou bien c'est l'ensemble? Il y a un khilaf entre deux. Cheikh Al-Uthaymi, il dit lorsqu'il y a un khilaf qui est toi sahl, tu vois? Non, il dit tu prends le plus simple. C'est quoi le plus simple? Quand tu vas faire les arabes, c'est que tu veux dire quoi? Anta, antum, tu vas dire jam. Kada, tu vas dire c'est le damir. Et le mim, tu vas dire c'est alamat al-jam. Ou bien tu dis antum directement, c'est damir, mon fasé kata. C'est le plus simple, c'est que tu dises quoi? Que tu dis antum, tout ça là, et wakum, c'est ça le damir. Il dit qu'il ne faut pas se prendre la tête dans ce truc-là. Ma khuyyara nabiyya sallam bayna shay'in illa akhada aysarahuma. C'est le hadith. Nabiyya sallam, lorsqu'il était, ils lui ont donné le choix. Entre deux choses, il prenait la chose qui était la plus facile. Donc là, kazalika. À part, ouais, voilà. Non. Donc là, c'est pareil. Là, il n'y a pas de. Le khilaf, c'est un khilaf qui est. C'est un khilaf qui est. En gros, la personne ne va pas sortir de l'islam, elle ne sera pas moumtadir ou kata kata, tu vois. C'est un khilaf adi, tu vois. Que tu dises ça, antum, c'est l'ensemble, c'est un damir. Ou bien que tu dis antu, c'est le damir et le même, c'est la signe qui prouve que c'est un pluriel. Ça ou ça, c'est la même chose. Donc tu prends le plus facile. Antum, damir, jama, 21. Donc il n'y a pas de hajr, il n'y a pas je te passe pas salam, ou bien parce que tu as dit antu, c'est le damir, et tu n'as pas dit antum, c'est. Il faut pas faire. Tu prends le plus simple. Tu prends le plus simple. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou comme a dit Aïcha. Tu prends le plus simple. Lorsqu'elle te choisit entre deux choses, prends le plus simple. Le plus simple, c'est que tu dises un tome, c'est celui-là le damir. Que venir un tome. Les Arabes, ils disent quoi? Ils disent khair al-kalam, maqalla wa dal. La meilleure des paroles, c'est celle qui est concise et qui a un sens. Donc là, le fait que tu dis antum, c'est le damir jam, c'est concis. Ah, mais tu dis antum, c'est le damir, ou al-même, alamat jam, garde ta salive pour lire le Coran. C'est mieux. Après, on va voir. Nahnu. Donc, yanikum, c'est le pluriel de quoi? De kaf. Quand tu dis salam alaykum, son pluriel, c'est quoi? Alayka. Sah? Ka. Alaykum, c'est le pluriel, c'est quoi? C'est alayka. Antum, son pluriel, c'est quoi? Son singulier, c'est quoi? Anta. Tamam? On va le voir. Enfin, plutôt, ce sera plus tard. Tamam? Antum, anta. Alaykum, alayka. Son pluriel, c'est alayka. Tamam? Le pluriel de kum, c'est kef. Le pluriel de antum, c'est anta. عليكم عليك أنتم أنت تمام نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن pour dire nous تمام نحن c'est la même chose c'est un damir تمام الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى regardez نحن donc c'est quoi c'est pareil السلام عليكم نحن c'est quoi c'est un damir qui est quoi منفصل qui est détaché L'île Mutakallimin. Mutakallimin, c'est man C'est le discours. Enfin, c'est pas le discours, c'est pour dire nous. La locution, au pluriel. Nous. T'as même l'île mutakallimin, c'est masculin, pluriel. Et des gens qui sont en train de parler. Nahnu. T'as même. Et na, j'ai dit comme mutasil. Na. Il y a des matins, tu dis, hada kitabuna. Kitabuna, c'est notre livre. T'as même le na, huna, c'est quoi? C'est Damiel, kadalika, qui est mutasil. Qui lit. T'as même les deux, tu as utilisé pour nahnu. Donc il y en a un, c'est quoi? Ce sera munfasil. Et l'autre, il est quoi? Mutasil. Nahnu, tullab al-ilm. Nahnu, tullab al-ilm. Tu ne peux pas dire na, tullab al-ilm, ça n'existe pas. Tu ne peux pas utiliser comme ça. Le nun, celui-là, tu utilises avec un mot attaché. Tamam? Hada kitabuna. Donc, nat, tamam, mutasil, kadalika, le mutakallim. J'ai mis là, ana, c'est le pluriel de quoi? De nahnu. Parce que nahnu, ou plutôt ana, c'est un damir kadalika, lil mutakallim. Lakin, wahid, je. Tamam? Ou nahnu, c'est son pluriel. Et les deux sont quoi? Munfasil. C'est-à-dire qu'ils ne s'attachent pas avec un mot. Et là, la même chose. Sauf que là, c'est pourquoi? Le mutasil. Tu dis, hada kitabuna. Wa hada kitabi. C'est mon livre, c'est notre livre. C'est pour ça que j'ai mis là. Yanni, c'est son pluriel. Les deux, c'est nahna. Fahim tom? Tam. Ensuite, il y a quoi? La conjugaison du verbe. Regardez, avant d'écrire, comme ça j'écris, et après moi je m'en vais. Tam. Regardez. Regardez. Et écoutez surtout. Regardez, c'est pas suffisant. Tam. Zahabtum. ذهبتم و ذهبنا vous êtes parti vous étiez parti vous êtes parti nous étions partis ça vous étiez parti nous étions partis là c'est quoi ça c'est le فعل الفعل il est où le فعل il est où c'est tom tamam il est pas sous-entendu comme on a vu avec ذهب il est sous-entendu avec ذهبت كذلك il est sous-entendu. Avec Dehab Tum, il n'est pas sous-entendu. Le Damir ici, c'est quoi? Tum. Kazalika avec quoi? Dehabna, fi'a, wa fa'il. Nous étions partis. Le fa'il ici, il est mutasil. Kazalika. Donc c'est la même chose. Pour cela, là, le Tum et le Na, les deux, ça s'appelle quoi? Damirun, mutasilun. Hada lil khitab, wa le Thani, c'est quoi? Mutakallim. C'est la même chose. Le Nun, c'est pour le mutakallim, wa. Le tome, c'est quoi? Al-Khitab. J'écris ou bien ça? Moi, c'est écrit. Tamam? J'écris. Où l'écrit? Damirun. Muttasil. Li. Ah ouais. Mukhatab. Damirun. Muttasil. للمتكلمين فهمتم؟ دونك لا vous connaissez comment conjuguer ذهب il manque plus quoi le féminin pluriel et le duel il manque le duel et le féminin pluriel féminin pluriel يعني pour le discours سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين